déjà toutes ces coïncidences, tous ces tirs de méfiance qui me font remontrance. Allez, j'oublierai peut-être un beau jour, allez, mais qui sait, ton sourire sera lourd. Je me dois d'y penser, je me dois de me ronger, me détruire la gueule à coups de mauvaises blagues, me remplir la tête en pensant à des vagues. Je me dois d'assurer mon avenir, mes pensées. Qui sait où ça va m'emmener? Sans savoir quoi penser, reste encore une seule chance d'oublier et se refaire une santé. C'est moi le fautif, j'ai tellement espéré pour changer le motif. Mais j'oublierai jamais, sûrement pas un beau jour. Et j'oublierai jamais te vouloir pour toujours. Je devais y penser, je devais penser à tout, m'abandonner à toi, toi qui n'es plus ici. Mais à force de l'avoir dans la gueule, je deviens fou et j'espère plus que tout te voir dans mes oublis.